Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 84e Vampire Fake chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. Déjà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour vos petits likes sur la page Facebook de l'émission. On est à peu près à 534 maintenant, c'est énorme pour moi. Pour une petite émission comme ça, sans prétention. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue aux anciens. Allez, on est parti. On commencera tout de suite cette semaine avec Watery Grave, le nouveau Carcarias. C'est sur le Best Of qui est distribué ce mois-ci dans Metalian. Et oui, faute d'un CD, eh ben, il y en a trois. Allez chez votre marchand de journaux préféré. On continuera avec Shake Your Head de Accept. C'est sur l'album Restless and Wild, leur quatrième album sorti le 2 octobre 1982. On retrouve Fast as a Shark, Get Ready et Demon's Night notamment. Un bon album qui n'a pas pris une ride. On continuera avec Moment Idéal de Yannis Audois. C'est aussi le titre de son cinquième album sorti le 8 avril 2013. On retrouve Rouge, Jaune, Vert, Laissez Rouler et Mes Principes notamment. Un excellent album. Il va bientôt sortir un nouvel album. Bientôt, apparemment, ça serait mi-mai, début juin. Sur YouTube, il y a déjà le clip de La Maison ne fait plus crédit. Et là, j'ai vu, il a fait un duo avec Kenny Arcana. Je vais essayer de vous le trouver, ce morceau. On se l'écoutera ensemble. On continuera avec une autre nouveauté, White Cat de Danko Jones. C'est aussi le titre du dernier album sorti le 3 mars 2017. On retrouve My Little Rock and Roll, Do This Every Night et She Likes It. Allez sur la page Facebook de Danko Jones. Ils sont aussi sur Bandcamp et sur toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Bad Country de Avenged Sevenfold. C'est sur l'album City of Evil, leur troisième album sorti le 7 juin 2005. On retrouve Burn It Down, The Wicked End et Sidewinder entre autres. Un excellent album. We'll be right back. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Is a special woman. Hola. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yo, you know what? J'entendrai le mot idéal. Quand t'es un vrai régal, j'aime passer du temps avec toi, gal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, gal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. Ça fait longtemps que j'attends pour t'avouer mes sentiments. Maintenant c'est le moment et je profiterai de l'instant. J'ai des choses à te dire à propos de l'avenir. Je ferai tout pour devenir celui qui pourra t'offrir une vie de rêve. Sans une trêve, je voudrais qu'on s'élève. Tout ce que je te réserve. Pour toi j'ai de l'amour en quantité. Tant de choses à proposer que je m'en voudrais de laisser cette occasion passer. Sans que je te dise ce que je ressens pour toi, je suis sous ton emprise. Mais tout ça ne me dérange pas, je n'ai pas peur et je mise. Faut que tous les deux on soit complices, loin des crises. Rien que pour toi je m'organise. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, gal. En ta présence je me sens impérial, c'est royal. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, gal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. Je pense qu'ensemble on va s'entendre, on a plein de choses à s'apprendre. Viens près de moi, je vais te défendre contre toute l'humanité. J'ai envie de te surprendre, je sais déjà ce que ça engendre. De toi seulement que ça peut dépendre, je prends mes responsabilités. Avec toi j'ai l'impression d'être dans un royaume. J'aime comment tu gères ta vie, tu mérites un diplôme. T'es autonome, adouci mon esprit pour que je me perfectionne. Viens prendre soin de moi, Malélie, que je t'emmène sur mon trône. Jamais de soucis, tu m'impressionnes. Je n'ai qu'une envie, c'est que tu me donnes comme défi. Je voyais ta personne, je suis sûr d'y arriver. À ton bien-être, je m'abonne, n'importe où, même dans l'hexagone. Où que tu sois, tout ce que je veux, c'est te faire rêver. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, Gyal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, Gyal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. My pretty girl, je n'ai besoin que de toi, pretty girl. Je trouve qu'il n'y en a pas de comme toi, pretty girl. Partout tirages avec toi, pretty girl. Oh my pretty girl, je me suis engagé à partager avec toi une existence pleine de joie. Je suis motivé. Faut surtout pas que je reste comme ça. Viens que je te serre contre moi, laisse-moi te combler. My girl, pour l'éternité, j'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, Gyal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, Gyal. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. C'est voilà. Wow, wow, wow, wow. A special for my woman. Say, say, say, say. Whoa, whoa, whoa, whoa, Now, if you have any energy left, muster it up for these two songs right here. Gets rid of the pain. Might not make it. Everything's alright. Mental fiction. Follow me. Show me what it's like to be sick. Can't you help me? As I'm starting to burn. Too many doses and I'm starting to get an attention. My confidence is leaving me on my own. No one can save me. In hell I don't want the attention. So whoa. Brazil. You want some more? On vient d'attaquer très fort là, comme toutes les semaines. On vient de s'écouter Watery Grave, le nouveau Carcarias, Shake Your Head, le classique de Accept, Moment Idéal de Yannis Odoa, White Cat, le nouveau Danko Jones, et Bad Country en live de Avenged Sevenfold. On continuera cette émission avec Living After Midnight de Judas Priest. C'est sur l'album British Steel, leur sixième album, sorti le 14 avril 1981. On retrouve Breaking the Law, Rapid Fire et Metal Goals, entre autres. Un excellent album qui vieillit super bien. On continuera avec une nouveauté, Never Learn, le nouveau Twisted Oak. C'est sur leur premier EP Red Ashes, sorti en 2016. On retrouve Never Learn, Dear the Chick, Gemini et You and Yuriko. Allez sur la page Facebook de Twisted Oak, ils seront aussi sur Bandcamp et bientôt sur les plateformes légales. Ça va être génial, il est excellent cet EP. Vivement un album, je sais pas moi, 10-12 titres. On continuera avec une autre nouveauté, Atlanta Girl, le nouveau Maple Magic. C'est extrait d'un album à venir bientôt qui va donc des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Maple Magic, Maple M-A-P-L-E et Magic comme Magic System. Et on continuera avec un classique du reggae, Friday Evening de Israel Vibration. C'est sur l'album Unconquered People sorti en 1979. On retrouve Give I Grace, Mr. Tax, Mr. Taxman et Practice What You Teach. Ah, il est bien celui-là à dire. Et du bon son à l'ancienne. Et on finira ce bloc en live, avec Let It Roll de UFO. C'est sur l'album Force It, leur quatrième album sorti en juillet 1975. On retrouve Shoot Flyer, Too Much of Nothing et Million Miles. Et Million Miles, donc, du son cool. Till the Vampire Freaks, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. You never, you never, you never, you never, you never, see what you want. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Thank you. This next piece is off of the Fawcett album and it's something called Let It Rule. Yeah. Vous êtes toujours dans la 84e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Living After Midnight de Judas Priest, Never Learn de Twisted Oak, et allez sur la page Facebook de Twisted Oak, Atlanta Girl ensuite, le nouveau Maple Magic, pareil, allez sur la page FB. On a continué avec le grand classique Friday Evening de Israel Vibration, et on a fini le bloc en live avec Let It Roll de UFO. On continuera cette émission avec la petite nouveauté, Whatever Nevermind, le nouveau The Sinners. C'est extrait d'un album à paraître le 5 mai. Allez sur la page Facebook de The Sinners. Des nouvelles très vite. On continuera avec un classique, Running Hot de Saxon. C'est sur l'album Rock the Nation, sorti le 13 octobre 1986. On retrouve Battle Cry, Waiting for the Night et You Ain't No Angel. On poursuivra avec une nouveauté, Ragamuffin School, le nouveau Scaramucci. C'est sur l'album Dancehall President, sorti le 13 mai 2016. On retrouve My Number One, Turn It Loud et Somebody New, un excellent album. D'ailleurs, sur ce morceau-là, c'est un duo avec Yannis Audois. Et oui, encore, aujourd'hui, il est là, lui. Et on continuera avec, une bonne démo, Sappy de Nirvana. C'est sur le coffret With the Light Out, sorti en novembre 2004. C'est, on retrouve un max de son démo, de maquettes et de son rare. Je ne sais pas s'il est encore facile à trouver, mais si vous le voyez, même d'occasion, achetez-le. With the Loud Out. C'est un coffret CD-DVD. Et on finira ce bloc en live avec On a tout compris de Tikenja Fakoli. C'est sur l'album France-Afrique, sorti en 2002. On retrouve France-Afrique, Justice et Y en a marre, notamment. Un album qui vieillit bien et toujours d'actualité. We'll be right back. Vampire Freaks, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Sont divers, donc on propose plusieurs solutions. Tant que le public est à l'aise, on continue l'exposition. Avec roots, ramène le culture. Et ça, na na na na na na na na na na na. Put your one in at the air and represent the future. Na na na na na na na na na na na. Une spéciale Sierra Mochi avec Yanni Soudoua. Uptown, upstate, them can't concentrate. Tell them stop and wait, for you know we never late. Them here all with style and them just can't relate. Because them know so we are gonna set things straight. Si y'a rebellion, faut pas d'anarchie, parce qu'on a des lyrics pour les parties. No disrespect, nobody, bad Monday, yeah, we them catty. Attention à ce qu'on dit, bon les conseils, on réfléchit. Ceux qui connaissent sont avertis, oui c'est qui nous badanti. Adam Tammy, I tell them we no play. Yannissa do a story, I'm ultra DJ. Ragamuffin, now teach me what if I think till now. Show you off, he says strong, show you not go bone. And when we touch the stage, the people, them I say. Them all a jump and a shout out, hip hip hooray. We have different style for give them, draggy vibe for give them. Love, we have for give them, even enemies we see them. Because na na na na na na na na na na na na. Tell them the ragamuffins in your area. Na na na na na na na na na na na. Le col du ragamuffin ramène le roots, ramène le culture. Represent the future. Na na na na na na na na na na na. Une spéciale Sierra Mochi avec Yanni Soudoua. This is a legendary hit. It's on another boom shot. Sierra Mochi on top of the girl them. Now prospect the high chain. Sierra Mochi a young side Yanni Soudoua. Straight come from West Indies, more than in Africa. And anyway we go we nice it up. Select all and pull it up. Happy to keep you in a job, then you're down to Babylon ideology. You see me, I say, Rasta children now go embrace them false philosophy. So we moving at the giddy and them a penny way. But tell them, say what? Them are done with enemy. You see me, I say, cause them now lead the people them right. Keep the fire light. Blaze the fire through the day, through the night. Me see a generation just stop get exploit. Vous êtes toujours dans la 84e Vapeur Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Whatever Nevermind de The Sinners. Allez sur la page Facebook de The Sinners. Running Hot de Saxon. Ragamuffin School, le nouveau Scaramucci. Sapi de Nirvana. Et on a fini en bloc, le bloc en live. Enfin, j'ai des doutes, mais je vous réserve une surprise pour la fin de l'émission. Avec On a tout compris de Tikenja Fakoli. On poursuivra avec de la nouveauté. Lâchez les chiens, le nouveau Madame Guillotine. Extrait d'un album à venir d'ici le mois de juin, des nouvelles très vite, de toute façon je dois le recevoir cet album. On continuera avec une autre nouveauté, quelques rimes sous le soleil, le nouveau Faisal et Demi-Portion. Ouais, je suis pas très rap, mais en rap français il y en a du très bon. L'album c'est L'Or du Commun, sorti en 2017. On retrouve Portée de l'Époque, Trajectoire et Jugement de Valeur. Un excellent album. Allez sur la page Facebook de Faisal, c'est du très bon rap français indépendant. D'ailleurs, je les ai rajoutés sur la playlist de Indie Spirit, mais ça, on en reparlera à la fin. Et on continuera ensuite avec Giving Up de Noidem. C'est sur l'album Album, sorti en 2014. On retrouve Sexy Radio, Sometimes et Take It Away notamment. Ils vont sortir un album, je vais le recevoir là, d'ici peu, des news très vite. Allez sur la page Facebook de Noidem, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continuera avec un classique du rock français, Berceau Néo Caveau de Parabellum. C'est sur l'album Gratuit, deux morceaux en moins, sorti en 1986. On retrouve Doc Bullock, Stalag 27 et Hilo Amsterdam. Un bon album qui vieillit bien et une petite pensée pour Schulte Sven qui nous manque beaucoup. Et on finira ce bloc en live avec El Gringo de Los Tres Puntos. C'est sur l'album Live en 2007. On retrouve Guapa, Palarmé et Rambosso entre autres. Allez sur la page Facebook de Los Tres Puntos. Thank you. Leurs engrenages sont en surchauffe, j'ai la vision de l'aigle. Une évasion en règle dans l'engrenage, sain et sauf. Entre nuages et groupes terrestres, mes splendeurs sous cellophane. Vendeur de doute lorsque tout fane. Mes pages se défenêtrent, des fleurs mortes sous mes fenêtres. Des rêves dans un cendrier, voir notre honneur renaître. Une trêve avant de vriller, ouvrier de la plume. J'ai trimé pour le subtil, là où briller est inutile. Comme frimer dans cette large brume, nos baskets sur le bitume. Tous courent à l'envers, mais les discours de ces pervers ne rachètent pas notre amertume. Leur raquette un peu de sel, comme de l'eau dans le gaz, et leurs machettes sont sur nos ailes. On est les frelots de Pégase, une génération dans le mur. Trop de manchettes, les frères aux crises par des murmures, brisent leurs fémurs sur des planchettes. Grise atmosphère, j'étale mes tripes sur mes toiles, d'étale entre les étoiles et m'extirpe de cet enfer. Par la création, c'est des pétales que je respire. Quand je rêve de réaction, d'un putsch dans leur empire, peu de bouche d'aération. Qu'une pour nos textes, loucher ce contexte, pire ça frise l'aberration. J'en ai franchi démons, mes idées je suivrai, c'est décidé que j'arriverai affranchi devant leurs démons. J'ai appris et fait mes armes ici à l'école de la vie, compris le prix, l'effet d'une larme, que si tu décolles on t'en dit. C'est quelques rimes sous le ciel, c'est rien de plus, chez nous rien d'artificiel, tout ce qui prime est dans nos plexus. Quelques rimes sous le ciel, c'est quelques rimes sous le ciel, c'est rien de plus, chez nous rien d'artificiel, tout ce qui prime est dans nos plexus. Chez nous rien d'artificiel, tout ce qui prime. Parce qu'on n'a pas choisi d'être comme ça. Détrompe-toi, laisse le boulot au clochard. Il va te mieux parler du trottoir saoulé. Parce que cette vie va nous rapprocher du comptoir bourré. Comme certains le pourront du matin au soir. Parce qu'on n'a pas choisi de sourire devant un salaire. Souffrir tout, mais rien ne vaut. Un je t'aime à sa mère, vas-y, paye ta galère. La monnaie n'est que routine, j'finis. Nos rimes, soyons sûrs, nous payera pas une Lamborghini. Encore à la bourre de mi, avant que la date périme. Les gens sortent plus entre Facebook et les Blackberry. Non, aucune blague terrible, y'a plus de femmes à marier. C'est mort depuis que l'amour accroche les bactéries. Qui aurait cru à ce constat, personne. C'est le contraire, ton ballon, y'a que des requins qui te sauvent. Mince, comment te dire qu'on choisit pas sa destinée. Que le bon rappeur ici n'est pas seulement le plus stylé. Sous-estimé, fou, peut-être qu'on est fou, un point c'est tout. M'éloigner de vos grosses merdes, mais en revanche chacun ses goûts. On est en France, calme-toi, t'as pas le droit de parler fort. C'est une star bien sûr, qu'on jettera dans les ressorts. Afin que tu grimpes vite, vite, en oubliant le calvaire. Chute, chute de l'old school à la Maurice Clavel. Célèm, on sait qu'ici plein de curieuses balades. Un milieu sale à se tirer les cheveux à la Francis. C'est quelques rimes sous le ciel, c'est rien de plus, chez nous rien d'artificiel, tout ce qui prime est dans nos plexus. Quelques rimes sous le soleil. C'est quelques rimes sous le ciel, c'est rien de plus, chez nous rien d'artificiel, tout ce qui prime est dans nos plexus. Chez nous rien d'artificiel, tout ce qui prime est dans nos plexus. Quelques rimes sous le soleil, rien de plus. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Carlos et Steve Busters. Vous êtes toujours dans la 84e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un excellent bloc là. Lâchez les chiens, le nouveau Madame Guillotine. Quelques rimes sous le ciel et non pas le soleil de Faisal et Demi-Portion. Giving Up de Noidem. Bersonné au caveau de Parabellum. Et on a fini ce bloc en live avec El Gringo de Los Tres Puntos. Allez sur la page Facebook de Faisal et Demi-Portion, c'est excellent. On continuera cette émission avec Cults of the Shadow de Therion. C'est sur l'album Telly, sorti leur 5e album, sorti le 9 août 1996. On retrouve Tumega Therion, Nightside of Eden et Invocation of Nama. Un excellent album qui n'a pas pris une ride. On continuera avec Robocop, le nouveau Reagan Cowboys. C'est sur l'album Cowboy Code, sorti en avril 2017. On retrouve It's Coming Down, Back to You et No Peace, un excellent album. Allez sur la page Facebook des Reagan Cowboys et je remercie mon copain Brian de l'Assomption au Québec pour m'avoir envoyé ce son-là. On poursuivra avec une autre nouveauté, Russia's Eye de Moskova. C'est extrait de leur premier album, The Man of the Free Island, qui va sortir le 5 mai 2017. Des nouvelles très vite, lui aussi je dois le recevoir. On s'en écoutera d'autres. On continuera avec une autre nouveauté, Alcool de Darcy, c'est sur l'album Tigre, sorti en avril 2017. On retrouve Armageddon, Justice et Fangio, ils sont français. Allez sur la page Facebook de Darcy et leur album est excellent. Et on finira ce bloc en live avec Malavida de Manu Chao. Et oui, pas la version des Mano Negra, mais par Manu Chao. C'est sur l'album Bemba Sound System, sorti le 17 septembre 2002. On retrouve Bienvenida à Tijuana, Machine Gun et Casa Babylon. Et Radio Bemba, pour l'info, c'était le nom donné par les révolutionnaires cubains au bouche à oreille, enfin ce qu'on appelle vulgairement chez nous le téléphone arabe. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Here. He's from Detroit? Uh-huh. Where the hell is that? I think it's in the USA, but I'm not really sure because I was homeschooled by my parents. Drop it! Vampire Freaks, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Pase lo que pase, sea lo que sea. On vient de s'écouter Cults of the Shadow de Therion, Robocop le nouveau Reagan Cowboys, Russia Eyes le nouveau Moscovin, Alcohol le nouveau Darcy, et on a fini ce bloc en live avec Malavida de Manu Chao. Allez sur la page Facebook de Reagan Cowboys, Moscovin et Darcy. Cette 84e Imperfect touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Pour revenir tout à l'heure à Indespirit, voilà, donc c'est une radio avec une playlist 100% artistes indépendants, des gens peu connus ou avec des petits labels. Il y a beaucoup de groupes qui sont diffusés dans l'émission qui sont déjà sur Indespirit. Je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a vraiment trop de monde. Je filerai les liens pour écouter la radio Indespirit sur la page Facebook de l'émission. Voilà. Par souci pour les radios, je ne peux pas trop faire la pub dans l'émission, mais j'en parle un peu quand même. On finira cette émission avec le 100 pas en live de Richard Gottener. Et oui, c'était ça la surprise. C'est sur la bande originale du film Le Maître d'école. Et j'ai Bernard, mon copain de Saint-Malo, qui m'a envoyé plein de Gottener. Donc il y aura d'autres morceaux de Gottener. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Le sang passe est sympa. Hop là. Il n'y a pas de pas.